Alors, est-ce que tu peux nous introduire ton livre Dans ma tête, vos champs de ruines? Dans ma tête, vos champs de ruines est apparu, ou paru plutôt, en 2016, et on est déjà rendu au quatrième tirage en français, et aussi on a fait le lancement de sa version en anglaise l'automne passé. Et fait son chemin depuis 2016, il est rendu dans quatre coins du Québec. Et des gens l'ont beaucoup apprécié, contrairement à ce qu'on croit en général, que des gens au Québec et dans les régions, ils ne sont pas intéressés à comprendre certains enjeux ou voir ce qui se passe ailleurs. Et dedans, on parle un peu comme c'est un récit de vie, il parle de la réalité de la vie de l'enfant jusqu'à la politique internationale, passant par la vie familiale, culturelle, clanique, tribale, les réalités sociales, économiques, politiques, autant la question de la guerre que quand des réfugiés. Alors, beaucoup de réalités, mais sans parler de façon théorique. Plutôt, on parle par la description de la vie quotidienne et qui le rend très accessible à tout le monde et qu'on peut suivre vraiment un peu le parcours d'un enfant. Et à travers ça, comme disent certaines, à travers, comme en vaseau sur l'épaule de quelqu'un, on peut voir vraiment beaucoup d'enjeux de la société si on était un peu plus haut et on comprend bien ce qui se passe bien autant en Afghanistan qu'au Pakistan et ses rapports avec les pays étrangers. Tu peux nous parler... Bon, d'abord, il y a trois pays qui sont mentionnés où tu as vécu dans ce livre-là. Bon, le Canada, tu l'abordes pas tant parce que ça finit avec ça. Mm-hmm. Mais en commençant, on va y aller d'une manière chronologique. Oui. Ton vécu, de ton enfance, ta plus tendre, genre la plus jeune enfance en Afghanistan. Alors, on commence avec l'est de l'Afghanistan, plutôt particulièrement l'est de Jalalabad et ce qu'on appelle la région de Nouristan. Alors, on parle un peu de cette partie. Et à travers ça, on comprend vraiment la société afghane dans sa complexité familiale, clanique, tribale, et les rapports aussi avec beaucoup d'autres les acteurs sociaux. Ça veut dire que quand on parle de l'Afghanistan, souvent on a l'impression que c'est un pays homogène. Déjà, on comprend en base qu'il y a différence entre les gens au niveau de la religion, au niveau de la culture, au niveau des langues. Et on arrive aussi à peu près en quelques années de mon enfance à comprendre vraiment beaucoup d'enjeux, comme je dis, de l'ordre familial, social, culturel, linguistique, religieux. Et ensuite, on comprend aussi le rapport social au niveau de la classe des classes économiques. Et on arrive avec la révolution afghane de 78, comment se passe, comment sont introduits. Et ensuite, on fait un peu le voyagement vers le nord de l'Afghanistan, Kunduz et passant par Kaboul et certaines autres régions. On comprend autant la question géographique, le changement de climatique, mais aussi des réalités nouvelles, parce que là, entre le nord de l'Afghanistan et l'est de l'Afghanistan, il y a une grande différence. Et en même temps, d'autres langues et d'autres cultures qu'on rencontre. Et à travers ça, on voit aussi le suivi de la guerre qui commence avec la révolution afghane qui intensifie. Alors à travers ça, on voit beaucoup de réalités malheureusement tristes liées à la guerre. Parce que souvent, quand on parle de la guerre, on a l'imaginaire de destruction de deux ordres, ça veut dire des gens qui se font tuer et des édifices ou d'autres structures qui se font détruire. Mais en arrière de ça, il y a beaucoup, beaucoup de réalités émotionnelles, psychologiques, la vie des enfants, des femmes, comment se font détruire sans que nécessairement soit visible. On va parler de réalité, comme je dis, de complexité économique, mais aussi de la violence psychologique, violence physique, violence sexuelle. Alors, on embarque dans plusieurs enjeux. Et ensuite, on va voir aussi la réalité de cette triste guerre qui fait des ravages, par exemple, des gens qui meurent, mais aussi d'autres qui se trouvent obligés de se réfugier dans d'autres pays. Et on va faire le parcours d'une famille de Kunduz jusqu'à Pakistan. Et là, on va passer pendant quand même 11 ans à travers beaucoup de réalités, autant de la réalité d'arriver en ville, ensuite les difficultés pour des réfugiés. Et ensuite, les camps des réfugiés, comment on arrive à camp des réfugiés, toute la dynamique qui implique. Et ensuite, pour devoir, on voit qu'après un certain temps, des gens réfugiés sont obligés d'aller travailler dans les villes pakistanaises. Alors, à travers ça, on va voir la vie d'un domestique que j'étais moi-même. Ensuite, aller sur le marché du travail. Alors, beaucoup de réalités qu'on va aborder à travers ça. Et par le film, on va aussi introduire la politique pakistanaise, toute sa complexité sociale et culturelle, linguistique. Et ensuite, on va faire un retour en Afghanistan parce qu'on va rester toujours en contact avec ça. Le retour après 10 ans de guerre, comment se passe, quelles sont les réalités qui sont restées les mêmes, qu'est-ce qui a changé. Alors, toutes ces dynamiques, on va aborder dans ce livre. Oui, avant d'aller plus loin, parce que là, t'as passé vite sur la révolution afghane, puis les conflits qui sont très présents dans ton livre, entre les Mujahideens puis le gouvernement socialiste. Est-ce que tu pourrais nous faire cette histoire-là et prendre ton temps pour le faire? Parce qu'on a quand même beaucoup de temps aujourd'hui. Exactement. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre à travers la description en fait dans ce livre, qu'est-ce qui fait qu'il y a la nécessité d'une révolution? Ça veut dire que oui, tout le monde voudrait vivre en paix, mais pour des gens qui vivent quotidiennement dans la misère économique et en rapport avec un gouvernement autoritaire qui était monarchique jusqu'à 73, ensuite une république qui s'est installée, mais qui reste quand même très autoritaire. Mais de l'autre côté, c'est la question de domination. Les questions de domination par rapport à la classe économique, soit les régimes féodaux, des riches seigneurs qui ont aussi des liens avec le gouvernement, avec la classe religieuse qui répriment les gens. Et de l'autre côté, majoritairement des gens qui commencent à s'éduquer, mais malgré l'éducation, les réalités ne changent pas. La réalité, par exemple, à Kaboul, on va voir qu'il y a de plus en plus de gens éduqués, mais moins en moins d'emplois. Le gouvernement qui est contrôlé par la famille royale et ensuite transmis à son cousin ou sous la forme d'une république, mais reste toujours dans ses structures. Alors, ce qui fait qu'il y a l'apparition des jeunes éduqués de plus en plus qui vont lutter pour leurs droits, autant les droits économiques, sociaux, politiques, qui vont engendrer une dynamique qui va accentuer la pression sur la famille royale, ce qui va faire enfin que 73, la famille royale va être destituée et on va remplacer son cousin comme président et en instaure une république. Malgré ce changement, malheureusement, on ne voit pas les réels changements. Parce qu'il y a une dynamique en place que ceux qui sont dans la structure de domination, ils ne laissent pas faire. Ça veut dire que autant qu'il y a une mobilisation pour les droits et sociaux, et économiques, politiques et les libertés, autant il y a ces féodaux, ils se transforment en ce qu'on appelle les partis islamistes. Partis politiques, partis religieuses. Alors, cette confrontation, de plus en plus, va se concrétiser à partir de 78, où est-ce que une partie des gens réprimés par le président Sardar Daoud, qui va essayer de vraiment calmater tous les germes des mouvements progressistes. Alors, dans ce contexte, il y a la révolution de ce qu'on appelle la révolution de Saoul ou la révolution d'avril 78, et on va engendrer un changement très radical à l'intérieur du pays. Et ça va être soutenu par un grand nombre de personnes, contrairement à ce qu'on prétend dans les pays occidentaux. Par exemple, ce qui est en train de se passer depuis quelques jours ou quelques semaines à Venezuela, on montre que les opposants de Maduro, mais on présente pas les supporters. Et aussi, on explique pas quels sont les facteurs qui font que des gens, ils manquent de médicaments, ils manquent de nourriture. Parce que la classe dominante qui lâche pas, alors à ce moment-là, ils créent même sur le marché la pénurie. De nourriture, de médicaments. C'est la même chose en Afghanistan. Ça veut dire quand il y a la révolution, les révolutionnaires qui optent pour les changements radicaux, c'est-à-dire les droits de l'éducation pour tout le monde, incluant les femmes, et droits de partage de richesses, ça veut dire les terres qui s'étaient obtenues par 5% de la population et qui possédaient énormément de terres arables, les reprendre et donner à une façon égalitaire entre les paysans et paysannes. Alors, tous ces changements, ils provoquent des mécontentements, mais chez la classe conservatrice, et eux, qui sont dominants, ils ont les moyens. Alors, ces gens-là, très rapidement, ils vont créer une guerre en disant que les révolutionnaires sont des communistes, c'est des infidèles à l'islam. Pourtant, il y a des centaines, des milliers, voire des millions de personnes qui soutenaient ce gouvernement parce que c'est ça qui s'apprenait. Alors, ça va engendrer une guerre, mais ce que ça paraît pas sur terrain, malheureusement, ça, il faut se prendre certaines distances pour savoir que dès le départ, ce mouvement conservateur, il va être appuyé par le Pakistan, un pays très conservateur, l'Iran, le Shah d'Iran, et ensuite par la Khomeini, qui est un contre-révolutionnaire, et plus particulièrement l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Canada, et ils vont financer ces islamistes très rapidement. Alors, c'est intéressant pour questionner notre rôle en tant que Canadiens et Américains. Exactement. De retracer cette histoire-là, parce que aujourd'hui, on est dans l'islamophobie. Oui. Et dans la critique sans nuance de l'islam. Et on y reviendra en parlant du racisme systémique. Bien sûr. Mais la base de l'islamisme, je sais pas comment qualifier ça, mais l'islamisme plus radical, disons, est aussi la base de la guerre froide, donc de la guerre entre les États-Unis et la Russie, qui a passé à travers différents pays, dont l'Afghanistan. Ou même, on dirait que c'est islamisme est créé et instrumentalisé à partir de cette époque, qui aujourd'hui ne fait payer cher, même dans les pays occidentaux. Ça veut dire que maintenant qu'on parle de quelqu'un, de question de hijab, ou question de certaines formes radicales de l'islam, ou conservateurs de l'islam, c'était alimenté à partir de cette période. Mais déjà, on avait commencé à partir du 19e, 20e siècle en Arabie Saoudite, soutenant la famille d'Al-Wahhab avec la famille Al-Saoud, qui était déjà financée et alimentée dans ce sens-là. Ça veut dire créer une branche beaucoup plus orthodoxe chez les musulmans. Pourquoi? Pour légitimer une famille qui était aussi liée avec la famille Sharif, qu'on appelait les Hossein Sharif de gardien de Mecque. Alors, on a créé cette structure qui nous ont aidé à combattre l'Empire ottoman, mais continuellement, on a augmenté l'accent sur ça. Ça veut dire que de plus en plus, une islam puriste qui était projeté par l'Arabie Saoudite, que nous avons soutenu, qu'on soutient tous les jours. Et ça fait des brèches et des branches de plus en plus élargissant vers l'extérieur, mais surtout à partir du milieu du XXe siècle, on a utilisé ça pour réprimer tout mouvement progressiste dans le monde musulman. Ça veut dire qu'on a utilisé en Afghanistan, on a utilisé au Yémen, on a utilisé en Égypte, mais en Afghanistan, vraiment, on l'a fait d'une manière la plus brutale. Ça veut dire qu'on prenait toutes sortes de monde, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tchétchénie, on a envoyé au Pakistan. Là-bas, on les formait dans les madrassas et aussi les camps d'entraînement militaire, et on l'envoyait en Afghanistan. Alors, ce qui a donné, ça veut dire que déjà, l'Afghanistan, quand même, ce qu'on appelle comme récemment islamisé à partir du 7e siècle, mais arrivé à 20e siècle, était islamisé à 98%. Mais c'est des gens qui étaient beaucoup plus de croyances religieuses et non fanatiques. Mais le fanatisme est introduit à telle limite qu'on a fait déjà les mujahidines qui étaient beaucoup plus radicales par rapport à les musulmans conservateurs. Les mujahidines vont être remplacés graduellement parce que comme quelque chose qu'on nourrit, comme on alimente quelqu'un par la drogue, les effets de drogue, ça ne fonctionne plus, il faut augmenter. Alors, les mujahidines sont faites déclasser par les talibans qui considéraient que les mujahidines n'étaient pas assez à leur goût musulman ou islamiste. Les talibans, aujourd'hui, sont déclassés par l'État islamiste. Alors, État islamique, alors il y a toute une structure qu'on a augmentée et aujourd'hui, on va aller avec le même argument que le gouvernement révolutionnaire combattait en disant qu'il luttait contre l'islamiste. Le Canada, les États-Unis, la France, et qui ont appuyé l'islamiste, aujourd'hui, il dit que aujourd'hui, on va combattre l'islamiste. Et ce qui est encore faux. Ça veut dire qu'on soutient beaucoup de groupes islamistes. Et même, présentement, des gens excitent un peu en disant que la semaine passée, il y a eu l'entente entre les talibans et le gouvernement américain. Ce qui en soit extrêmement paradoxal, ça veut dire qu'on est allé, il y a 17 ans, faire la guerre en Afghanistan pour renverser les talibans. Il y a plusieurs centaines de milliers d'Afghans qui sont morts, Afghans qui sont morts. Il y a plusieurs milliers de soldats occidentaux qui sont morts et mortes. Des milliers de milliards de dollars que ça a coûté aux États-Unis et d'autres pays, ça coûtait énormément cher aussi. Et c'était l'idée, c'était de libérer les femmes et combattre les talibans. Et aujourd'hui, on est fiers de s'entendre avec les talibans. Alors, c'est ça les dynamiques. Et après, même là encore, il y a des enjeux régionaux qui sont mêlés aussi. Tout, qu'est-ce qui fonctionne maintenant? Le gouvernement américain qui appuie le gouvernement afghan, qui l'ont mis en place. En même temps, il appuie l'État islamique pour faiblir les talibans. Les talibans, qui étaient supposés ennemis de l'Iran et de la Russie, ils sont appuyés aujourd'hui par l'Iran et la Russie et la Chine. Alors, tous les enjeux, malheureusement, extrêmement diaboliques, qui coûtent extrêmement cher aux gens là-bas, mais les effets sont jusqu'à ici. Ça veut dire des gens qui étaient partis d'Algérie faire le djihad en Afghanistan, qu'est-ce qu'on leur enseignait? On disait pas qu'on venait en faire tuer des Afghans. Ça marche pas comme ça, il faut les... comment dire, amadoué. Et c'était pour dire que vous êtes des purs musulmans, il y a un pays qui se fait envahir par une force communiste où le gouvernement est laïque et socialiste, alors il faut les combattre. Et une fois qu'on a fait ce travail avec beaucoup de jeunes, quand ils sont partis, quand ils sont revenus, ils font quoi? Ils voient la même image, les mêmes pensées. Alors ils ont commencé en Algérie. Malheureusement, on a vu la destruction de l'Algérie. Après ça, on a vu avec l'Égypte. La Tunisie s'est affectée. Et graduellement, plusieurs pays d'Afrique sont affectés avec ça. Et on a fait la même chose. Après ça, on a utilisé ces gens-là pour déstabiliser la Russie avec ses anciennes républiques. En Daghestan, en Tchétchénie. Ici, on présente l'image de la Russie qui est en train de bombarder la Tchétchénie. Mais malheureusement, les réalités sont beaucoup plus complexes. On a même, malheureusement, ça va être assez choquant pour entendre certaines personnes qui veulent entendre ici, mais ce qui se passait en Bosnie, c'était pas aussi simple que ça, que juste il y avait les conflits entre les musulmans et croates et serbes. Il y avait une instrumentalisation. Moi, quand j'étais au Pakistan, à la fin des années 80, je voyais des jeunes bosniaques, on les faisait venir pour l'entraîner et renvoyer faire la guerre au Balkan. Alors, il y a toute une poudrière qu'on a bien alimentée. Et aujourd'hui, malheureusement, on est rendu sur la discussion, l'islamophobie ou l'islamisme. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et malheureusement, je trouve qu'on fait d'une façon extrêmement instrumentale d'un part par les politiciens, par les classes économiques. De l'autre côté, l'opposé aussi, il y a un discours très simpliste qui ne fait que nourrir des deux clans encore. Je pense qu'on va faire l'entrevue sur le racisme systémique et après ça, on reviendra sur ton livre. Oui, bien sûr. C'est un lien en plus ensemble. On est toujours Merci. Avec Hadi Kaderi. On parle de son livre « Dans ma tête, vos champs de ruines ». Alors, nous allons nous entretenir avec Amel Zaza, qui a co-dirigé, est-ce que c'est ça? L'essai, 11 essais contre le racisme, et qui porte pour beaucoup sur le racisme systémique, et aussi sur les alternatives, les luttes, les résistances contre ce racisme. Donc, nous sommes aussi avec Hadi Kaderi, et je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce que c'est que le racisme systémique? C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a vraiment une incompréhension autour des termes. La manière dont on l'a défini, nous, dans notre livre, c'est vraiment, on entend par racisme systémique les oppressions diverses, mais toujours connexes, vécues par les personnes racisées dans plein de domaines, le travail, la justice, le logement, etc. Voilà, c'est un bon début pour ce qui se passe à Montréal, la première image. Et au-delà de là, juste voir comment les structures sociales, économiques et politiques défavorisent certaines personnes ou certains groupes de personnes. Et moi, je donne souvent l'exemple. Par exemple, je suis dans un coopératif d'habitation. Je suis le seul à être pas de bonne couleur, mais tous les gens qui sont extraordinaires là-bas. Mais juste pour dire que je suis pas le seul de bonne couleur. Et encore là, parce que c'est ma blonde qui est de bonne couleur. Et c'est pourquoi? Parce que quand il y a un logement qui se libère, en général, qui apprend de nouvelles premières, c'est des gens qui sont quand même d'un certain groupe. Alors, des gens qui ne sont pas dans certaines structures sociales, économiques, et malheureusement sont défavorisés. Au niveau du travail, ça passe la même chose. Au cégep, quand on regarde les emplois un peu mieux rémunérés ou un peu mieux statués, des gens se trouvent à peu près d'une certaine groupe. Pourquoi? Parce que toute une structure, c'est pas que tout le monde est raciste, mais juste la structure fait en sorte que certaines personnes sont toujours privilégiées et d'autres sont désavantagées. Comme Amel l'explique très bien aussi dans le livre, pourquoi dans certains quartiers, des gens se trouvent autant dans la misère? Parce que toute la structure est en place, qui fait que malheureusement, quand moi je vois des étudiants et étudiantes qui viennent au cégep, quand tu arrives dans certains milieux, tous les éléments de base, ils sont présents pour que tu crées des obstacles. Il y a d'autres qui viennent déjà comme des un peu favorisés. Déjà tes parents, déjà ton entourage, la bibliothèque, la piscine, tout est là pour favoriser ton développement. Alors c'est ça, quand il y a beaucoup de structures qui fait et non des individus l'obstacle à certains groupes qui est dans le livre de sur le racisme systémique, il explique très bien. Beaucoup des Québécois, particulièrement des Blancs, vont dire « Ouais, mais le Québec, on n'est pas raciste, fait que c'est pas nécessaire de faire une commission sur le racisme systémique, il n'y a pas de racisme systémique au Québec. » Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, c'est pas tant un procès des Québécois et du Québec, en fait, qu'on essaye d'expliquer dans le livre, mais d'une manière plus générale dans le débat sur le racisme systémique. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on comprend systémique comme si c'était systématique, comme si la société érigeait un système volontairement pour racialiser, pour opprimer une certaine frange de la société. Or, c'est pas ça le propos. Il faut voir les choses d'un autre prisme. Comme exemple très, très parlant, en fait, on peut prendre, par exemple, les groupes féministes dans les années 70, quand elles militaient, elles étaient en train d'expliquer qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui favorisait les hommes plutôt que les femmes et que ça perpétuait les inégalités dans la société. Est-ce que à l'époque on a dit que toute la société et l'ensemble des Québécois étaient misogynes? C'était pas ça le propos, je pense. Et je crois que le fait d'en prendre acte a beaucoup aidé les groupes féministes à avancer dans cette cause-là et puis à supprimer de plus en plus ces inégalités-là. Aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de dire, mais pour les groupes qui sont racialisés, donc qui sont une minorité au Québec, mais qui représentent tout de même 1 million de personnes, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs aujourd'hui dans la société combinés qui font que cette frange-là, elle est défavorisée par rapport à une majorité blanche. Il va falloir qu'on en prenne acte et qu'on mette un certain nombre de mesures qui nous permettent de contrer ce système-là et puis ces facteurs-là. Et si on n'en parle pas, on sera toujours dans l'incapacité de le régler, ce problème. Je trouve dommage que la conversation, elle tourne toujours sur l'emploi des termes, sur la forme, plutôt que sur le fond et le vécu de ces personnes-là. Voilà, moi je suis tout à fait d'accord, mais il y a un petit élément que moi, au niveau de la question volontaire, moi je dirais oui, c'est une question volontaire, mais c'est pas la part de la majorité de la population québécoise, ni des blancs, ni des blanches, mais de la structure sociopolitique. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à mettre certaines structures qui les privilégient. Désolé de dire, mais c'est ça la réalité. Ça veut dire que si tous les gens de Hochelaga-Maisonneuve ou de Montréal-Nord ou Place-Henri ils puissent aller à l'école de qualité, des cégeps de qualité, ils peuvent avoir accès et ils auront les mêmes droits que certains d'autres certains autres ne sont pas prêts à faire ça. Et au contraire, ils font tout pour que on reproduise les mêmes systèmes où est-ce que certaines classes sociales, ils peuvent aller faire des études universitaires de haut niveau, que ce soit en politique, en économie, en social, en n'importe quel domaine, et d'autres qui retrouvent leur fonction de reproduction, que ce soit une reproduction de la dite classe dominante, par rapport à la classe moyenne qui vont reproduire un peu certains emplois techniques en professeurs ou d'autres, et une autre grande majorité en a besoin de travailleurs précaires. Et ça, c'est pas quelque chose d'involontaire. Moi, je suis très catégorique, c'est quelque chose de très volontaire et ça se maintient. Et c'est ce qui fait qu'il faut l'appeler par son nom, système capitaliste. Oui, évidemment, le système capitaliste favorise la marginalisation des personnes racisées. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Hadi. Mais c'est cet ensemble-là, en fait, qui tu sais, dans l'identité, par exemple, mettons, moi, je suis une femme, je me considère comme racisée, je suis monoparentale, je suis immigrante, etc. Il y a tout cet ensemble-là de facteurs, fait que je vais subir, par exemple, peut-être de la misogynie, je vais subir la racialisation, je viens pas d'une classe aisée, fait qu'il y a, la question de la classe, fait que ces trois facteurs-là, mis ensemble, font que je vais être plus défavorisée, mettons, qu'une femme blanche. Bien sûr. Donc, c'est vraiment, il faut l'entendre, c'est pour ça que c'est important de comprendre le système et son imbrication. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas trouver des solutions toutes simples à une question aussi complexe que le racisme systémique. Et c'est pour ça que dans le livre, on parle plutôt de lutte systémique. On dit contre le racisme ou pour une lutte systémique. Puis c'est vraiment comme ça, de ce prisme-là, qu'il va falloir le regarder. D'un autre côté, il y a une question qui me vient. C'est dans une histoire qui est dominée par la colonisation, le génocide, l'esclavage. Comment on peut ne pas penser que la suprématie blanche, elle, est érigée en système? Ouais, ben, grande question. Ben, c'est-à-dire que tant que les sphères de pouvoir continueront à être toutes blanches, c'est sûr que le système, il risque pas de bouger. Comme le disait tantôt mon collègue, il y a personne qui va se réveiller un matin et qui va se dire, moi, j'ai trop de privilèges, je vais en céder aux autres. C'est qu'à un moment, il va falloir brasser un peu les sphères de pouvoir et faire en sorte qu'il y a plus de représentativité pour qu'on puisse y arriver. Sinon, on ne va pas y arriver, là. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous, effectivement, le système colonialiste, impérialiste, capitaliste, etc., ne nous aide pas du tout dans cette lutte. C'est pour ça que nous, on trouvait important d'écrire un livre, parce que souvent, on considère cette lutte comme si elle était nouvelle ou toute récente. Or, en ce moment, pendant qu'on est en train de commémorer justement les 50 ans des événements de Concordia, on se souvient qu'à l'époque, il y a 50 ans, les étudiants demandaient une commission sur le racisme. C'est que c'est pas nouveau, là. Les militants autochtones, ça fait des décennies qui demandent des commissions d'enquête, etc. C'est que ces demandes-là existent depuis super longtemps. C'est juste qu'il n'y a pas une volonté politique pour les adresser. Voilà, c'est justement tout à fait, et c'est ce enjeu que malheureusement il faut les prendre dans son ensemble, et c'est pour ça que les gens de votre collectif, il y a d'autres militants et militantes qui font un travail extraordinaire à Montréal-Nord pour justement donner une base solide de à deux niveaux. D'un part, pardon, il y a un bruit que j'entends. C'est le téléphone qui... OK. D'un part, c'est juste renforcement des gens de communauté pour qu'ils soient capables de défendre leurs droits et prendre leur place. Et d'autre côté aussi, mettre la pression sur le système. Mais à ce moment-là, comme je disais, il faut vraiment appeler les choses par son nom. Et malheureusement, tout les liens de défavoriser des femmes par rapport aux hommes, femmes racisées par rapport à d'autres femmes. Et toutes les structures, comme j'ai dit, malheureusement, résultent de ce malheureusement dynamique hiérarchisée. Et pourquoi il y a certaines des personnes de classe dites blanches, ils jouent ce jeu? Parce qu'ils veulent être juste un peu mieux que les autres. Et à ce moment-là, pour être mieux que les autres, prenons l'exemple des centrales syndicales ou d'autres, ils veulent juste lutter pour leurs membres. Et comme leurs membres sont plus importants, il y a des gens de racisés qui ne sont pas importants. Et par le fait même, comme j'ai dit, cette intersectionnalité, ça vient très important. Moi-même, j'étais immigrant et je connais la réalité des immigrants et immigrantes encore plus, mais ça permet d'avoir un bassin pour l'exploiter. Et toujours un par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'en bas d'échelle se trouvent les femmes racisées. Et encore, chez les femmes racisées, il y a des femmes qui sont encore pires. Désolé de dire, qui connaît la réalité des femmes qui viennent de Sri Lanka, de Bangladesh? Ça, c'est même pour nos militants et militantes, ce ne sont pas trop sexy. Oui, les travailleuses domestiques, les femmes sans statut, elles sont encore dans des situations encore plus catastrophiques. Exactement. Oui. C'est très, très dur et très, très inacceptable pour quelle on doit se mobiliser d'une manière beaucoup plus cohérente et cibler vraiment ce système qui est assez sanguinaire. Malheureusement, ils sont, comment on appelle, vraiment attire le sang des travailleurs et travailleuses tous les jours. Et plus on est bas de l'échelle, comme des femmes migrantes ou des gens de couleur noire, c'est vraiment, ça devient 10 fois plus grave que certains autres. C'est pour ça que l'analyse intersectionnelle là-dedans, elle est super importante parce que En fait, ce que dit l'analyse intersectionnelle qui prend en compte l'ensemble de ces oppressions, c'est qu'il faut centrer les marges. Quand on fait des politiques publiques, mettons, quand on décide de financer des programmes, etc., etc., faut toujours partir du plus bas et non pas de la classe moyenne ou de tu sais, les personnes sur la base de la méritocratie, tout ça. Ça fonctionne pas. Fait. Il faut partir du plus bas, centrer les marges, régler ces problématiques. T'sais, mettons, là, si on faisait des politiques au niveau de la ville, ben, il faut regarder par extension Montréal-Nord. Il faut partir des quartiers les plus défavorisés pour créer des leviers pour l'ensemble de la société. Donc, c'est en ça que cette analyse, elle est vraiment, c'est un courant politique, mais c'est un outil important qu'on pourrait utiliser dans la façon dont on élabore des politiques, entre autres. Exactement. Et à ce moment-là, comme je dis, c'est tout à fait, il faut le regarder de plus bas et de vers le haut, mais vraiment dans l'objectif d'éliminer ces structures hiérarchiques. Sinon, comme je dis, on est toujours en passe des gens à quelques personnes à l'autre étage et on reproduit le même système. Mais il faut vraiment, comme je dis, si on oublie ce côté révolutionnaire de cette analyse intersectionnelle, malheureusement, on tombe dans le même piège qu'on voit juste okay, favoriser quelques personnes, mais on reproduit. Parc Saint-Sion, c'est vraiment le meilleur exemple. Il y a des immigrants qui arrivent, immigrants et immigrantes. Ils passent les années dures. Certaines sortent un peu mieux. Après ça, ils vont aller ailleurs. Il y a d'autres qui vous les remplacent. Montréal-Nord, malheureusement, c'est la même chose. Il y a Place Henri et certains autres endroits, ça reproduit les mêmes choses. Et malheureusement, à un moment donné, il faut regarder, il est attaqué d'une façon assez forte, ces systèmes hiérarchiques et hiérarchisés. Par rapport à tout ça, dans le contexte actuel, quelles sont les résistances qui vous inspirent? Pardon? Dans ce contexte-là, quelles sont les résistances qui vous inspirent actuellement? Oh, il y en a tellement. Mm-hmm. justement, dans le livre, il y a juste 11 chapitres, et puis chaque chapitre parle d'une initiative justement inspirante et d'un modèle de résistance. Mais on aurait aimé faire carrément une anthologie pour parler de toutes les initiatives parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce qui arrive, c'est que souvent ces initiatives-là sont un peu invisibilisées ou invisibles parce que bon, les gens ont pas beaucoup de pouvoir économique, médiatique, etc. Mais entre autres, je pense à l'excellent chapitre qui a été écrit par Rodney Saint-Éloi, qui a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Lui, arrivé ici, auteur, poète, il n'avait pas vraiment de voix qui lui ressemblait. Il se voyait pas dans les livres, etc. Fait que il a pris les choses en main. Il a créé sa propre boîte d'édition. Et puis aujourd'hui, c'est pas pour lui. Il représente tellement d'auteurs et de voix plurielles. Puis il permet à des narratives d'émerger, parce que pour l'instant, comme je pense aussi au projet de Gabriela Quinté, qui est originaire de Montréal-Nord, qui a grandi là, qui a fait ses études dans le système public, puis qui disait que jamais elle ne se retrouvait dans les livres d'histoire, dans les livres, dans la littérature, etc. Et puis son rêve à elle, c'était d'avoir un endroit où elle retrouve des récits qui lui ressemblent, et qu'elle a fondé la qui offre cette littérature-là pour les enfants, pour les adultes, etc. Et puis elle fait toutes sortes de programmations et de rencontres vraiment super intéressantes. Puis elle offre à ce public de Montréal-Nord, qui est quasiment à 60% de personnes racisées, des modèles dans lesquels ils peuvent se voir. Parce que l'un des enjeux importants, c'est que si on se voit pas à quelque part, on se projette pas. Et c'est important de donner des modèles à nos jeunes pour qu'ils puissent se voir. Dans le milieu culturel et artistique, dans le milieu médiatique, dans le milieu politique, etc. Parce que sinon, ils occuperont jamais ces sphères. Ils vont continuer à occuper des comme aujourd'hui, quand on nous parle constamment de Montréal-Nord comme étant un foyer des gangs de rue, où les jeunes sont criminalisés très jeunes, etc. Les jeunes continuent à se voir dans ce modèle-là, parce que même dans les séries, dans les films, etc., à la télé, c'est ça qu'on leur envoie comme image. Puis c'est là où c'est important, justement, de mettre en valeur ce genre de récit qui est différent pour permettre de donner des modèles aux gens qui sont différents de ce que la culture dominante leur sert. Je crois pas qu'on a entendu le nom de la librairie, mais la librairie Racine, qui est à Montréal-Nord, sur Henri Bourassa, voilà, exactement, qui est vraiment une très belle initiative, et des gens qui sont là, justement, ça qui c'est la différence, c'est des gens très engagés, intègres, et avec la mémoire d'Ancré, c'est la même chose. Et de là que ce qui m'amène à ajouter avec ma camarade qui a mentionné plusieurs belles initiatives, c'est pour moi deux autres éléments qu'on peut ajouter, c'est d'abord, c'est avoir la cohérence entre l'action et les paroles. À tous les niveaux. Et comme individu, chaque fois quand j'ai dit quelque chose, il faut que je le pratique aussi autour de moi, avec des gens autour de moi, et l'exemple d'encourager des gens. Vraiment, ne pas être injuste envers les autres, autant avec les femmes, avec les minorités. Ça, c'est malheureusement, souvent, il y a un manque de cohérence en nos actions et nos discours, autant au niveau individuel qu'au niveau politicien. Ça, c'est pour moi, c'est très important et je trouve qu'il y a un manque souvent, comme on t'entend parler, certaines autres structures qui sont là pour combattre les inégalités, mais ils font juste quand ça fait leurs affaires et quand ça fait pas leurs affaires. On a donné quelques exemples dans le livre dont on parle. Il y a des exemples, justement, il y a pour certaines luttes, il n'y a pas beaucoup de personnes. Comme justement, on parlait par rapport à la question de racisés, on parlait par la question des autochtones. Il y a quand des personnes violées à Val d'Or, qu'on était là pour manifester, on était à peine une cinquantaine. Mais c'est quand même triste. Pour certains autres enjeux, il y a 200 personnes, 100 000 personnes qui descendent avec raison. Mais jusque. Ben, le pacte. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, dans le chapitre que j'ai écrit, pour parler du mouvement Houta qui est né à Montréal-Nord, il y a 10 ans, etc., ben, je réserve une partie où je parle de pour moi, ce que j'appelle la gauche progressiste, celle qui se lève dès qu'il s'agit d'enjeux féministes, qui se lève dès qu'il s'agit d'enjeux de pauvreté, de classe, etc. Mais dès qu'il s'agit des luttes antiracistes, souvent, on est vraiment déçu parce que cette gauche-là, elle brille par son absence, malheureusement. Exactement. Et on sent qu'il y a un malaise à porter, à soutenir encore la lutte antiraciste. C'est encore un sujet un peu tabou dans cette gauche qui se considère comme étant colorblind. C'est ça. Qui dit, bon, ben moi, je vois pas la couleur, c'est qu'elle n'existe pas. Oui. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir que cette gauche-là soit un peu plus justement intersectionnelle, considère la question de la race comme étant quelque chose de central aussi dans la lutte. Exact. Parce que, mettons, si on aborde aujourd'hui la question des luttes environnementales, sans être dans une perspective antiraciste, décoloniale, etc., ben, c'est foireux parce qu'on n'arrivera à rien changer. Exact. Aujourd'hui, je pense que la lutte environnementale devrait être... Il faut donner le leadership aux militants et militantes autochtones parce qu'eux, ils ont l'expertise, ils savent, ça fait des décennies qu'ils luttent pour la terre, pour la nature, puis ils ont des solutions et puis il va falloir leur donner un rôle de choix, je pense, là-dessus. Tu sais, quand on parle de perspective décoloniale, je pense à un rapport qui était sorti il y a un an qui disait que le Canada était l'un des pays, il est septième, je pense, dans la liste des pays les plus polluants de la Terre, etc. Fait qu'on en fait quoi quand il va y avoir des réfugiés climatiques? Est-ce qu'on va prendre notre responsabilité? Est-ce qu'on va en accueillir plus? Parce que c'est une responsabilité, c'est pas un acte de charité. À partir du moment où on fait de l'extractivisme, où on a une empreinte écologique et puis où on contribue à maganer la Terre plus que d'autres pays, il va falloir aussi assumer sa responsabilité là-dessus. Fait que c'est là où les lunettes en fait antiracistes rentrent, parce que il y a aucune lutte aujourd'hui, à mon sens, qui ne peut se mener sans avoir cette perspective-là. Comme il y a quelques années, on s'est dit le féminisme va être nos nouvelles lunettes là, la lunette de genre. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'on mette tout le temps la lunette antiraciste pour pouvoir adresser plein d'enjeux, parce que c'est vraiment un enjeu transversal à toutes les luttes. Bien sûr, et ça, comme je disais, il y a justement ces cohérences, et encore plus loin, je comprends que les mes camarades autochtones avec qui je lutte sont bien placés, mais encore, là, il faut regarder un peu plus loin la question d'environnement. Ça veut dire qu'un des facteurs, qu'on nomme pratiquement jamais dans cette pollution au niveau de la planète, c'est la guerre. La guerre, c'est le plus grand pollueur sur la planète, mais comme j'ai dit, même mes amis environnementalistes, ils parlent pas de ça. Quand chaque fois qu'on fait une guerre en Syrie, en Afghanistan, ailleurs, il y a des armes, il y a destruction. Par les deux façons, on pollue. D'abord, par l'utilisation des armes. Deuxièmement, par la destruction. Et tout ce qui engendre après ça, pour reconstruire, il faut produire d'autres. Ça veut dire qu'on est en train de gruger toutes des ressources. Et en plus, toutes les armes qu'on produit ici. Alors, il faut faire les liens avec tous ces enjeux. Et après ça, ce que je voulais ajouter aussi d'autres éléments de cohérence pour dire que il faut lutter concrètement d'une manière micro et macro parallèlement. Parce qu'il y a souvent, il y en a qui disent qu'il faut juste changer le système, il faut, d'autres qui disent qu'il faut changer nos affaires à plus petit niveau. Moi, je dis, il n'y a pas de cohérence sans qu'on fasse les deux parallèlement. Et même chose oui. pour les minorités, si on lutte, mais qu'on ne crée pas une société égalitaire pour tout le monde, ce n'est vraiment, ce n'est pas possible. Pour moi, je vois pas comment on peut être féministe si on n'est pas pour l'égalité. Si on est pour l'égalité, qu'on n'est pas féministe, ça marche pas. Si on est pour ouais. l'égalité des hommes et femmes, qu'on n'est pas pour l'égalité de toutes les femmes et de toutes les hommes, toutes les couleurs, vraiment, il y a des incohérences. C'est pour ça que moi, ça m'énerve un peu quand je parle de ces enjeux. Moi, j'ai dit, il faut être cohérent et il faut lutter jusqu'au bout. Oui, absolument. Bien, merci, Madame Zaza, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et on rappelle merci le Christian livre. Pour l'invitation. 11 essais contre le racisme. Très intéressant. Oui, ben, en fait, il y a l'essai, mais il y a aussi la tournée antiraciste qu'on démarre à partir de ce mois. Donc, la prochaine date, c'est cette semaine à la librairie Olivier, qui s'intitule Comprendre la complexité du racisme systémique pour mieux le contrer. Et on va continuer tout au long. Il y a une page qui s'intitule La tournée antiraciste et que vous pouvez suivre en fait l'ensemble des activités qu'on organise. Ça va être une tournée d'éducation populaire autour du livre. Et bravo pour tout le travail, autant pour le livre que le travail quotidien. Merci, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, je voulais juste qu'on continue un peu sur le livre avant que l'émission se termine. On en était à tout le conflit autour des attaques, entre autres, des États-Unis, du Canada contre l'Afghanistan, mais aussi l'armement à la base des pays impérialistes, des tendances orthodoxes de l'islam. Comment on vit en tant qu'individu? Parce que c'est quand même beaucoup sur la vie d'Abdulhadi. Qui est guideur et qui est à la troisième personne. Oui, mais qui est justement l'objectif, c'est de ne pas parler d'Abdulhadi, mais Abdulhadi, c'est comme un élément. Et moi, je voulais parler de quelque chose de plus concret et quelque chose de plus tangible au lieu de parler de quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose ou que j'aurais entendu. Mais moi, je parle beaucoup plus de ce que j'ai vu concrètement et j'ai vécu et ce qui, malheureusement, le cas des millions de gens sur la planète, la guerre, il y a des millions de gens qui le subissent. C'est la violence économique, il y a des millions de gens qu'ils subissent autant ailleurs qu'ici, comme on vient de parler de Montréal-Nord, on parle de Place-Henri, d'à côté de moi, à Hochelaga-Maisonneuve, je constate tous les jours ces misères économiques qui frappent très fort tout le monde et comme j'ai dit, je vois des blancs et blanches, malheureusement, dans des conditions extrêmement misérables. Quand on parle de la violence physique, sexuelle, ça aussi c'est quelque chose de très universel. Alors quand je dénonce à partir de moi ou à partir de autour de moi, c'est justement pour remettre en évidence certaines choses que des gens, comme j'ai dit, des gens qui ont lu de plusieurs milieux, ils se retrouvent dedans. Et aussi de dénoncer quelque chose de manière aussi intime et aussi personnelle, ils nomment avec les vrais noms, avec les comme telles des choses, prenant beaucoup de risques avec ça et les conséquences qui viennent malheureusement que je subis. Mais justement, il faut c'est un acte politique qu'on fait dénonçant toutes ces choses-là. Et pour revenir encore, on parle de ces enjeux. Au niveau de autour de la langue, au niveau de la culture, au niveau des ethnies qu'on a joué en Afghanistan, on joue ici, on joue ailleurs, c'est la même finalité. Comment mettre des gens un groupe contre l'autre et les mieux exploiter. Et ça se fait à partir des gens locaux, ça veut dire que tous les chefs tribaux, chefs seigneurs de guerre, seigneurs terriens, les seigneurs religieux, ça monte jusqu'au niveau national, dans l'intérieur du pays, les familles politiques, comment ils jouent avec ça, et ça augmente au niveau international. Toute cette structure qui est mise en place. Et à un moment donné, après 2 millions de morts, malheureusement, entre 78 et 92, il y a des gens qui ont réalisé qu'ils avaient subi toute cette guerre pour des intérêts de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs petits-enfants, et en croyant qu'ils luttaient pour défendre l'Afghanistan, ou défendre leur religion, ou défendre leur groupe ethnique. Et ils ont réalisé, malheureusement, qu'à ceux qui l'avaient exploité, ils se mettaient toujours ensemble. Par exemple, les chefs djihadistes qui ont fait beaucoup de massacres au nom de la religion ou la langue, par exemple, le Pashtun contre les Tadjiks. Les deux chefs qui étaient supposés Gulbadin Hekmatyar et Ahmad Shah Massoud, qui étaient supposés très ennemis, quand ils sont venus face à Taliban, ils sont mis ensemble au niveau de la religion chiite, sunnite, guerre qu'on a fait. Tous ces chefs, ils ont changé des alliances. À un moment donné, ils ont fait des guerres pour contre un groupe, lendemain ou quelques années plus tard, dans le lendemain, dans ce sens-là. Et ils se mettent avec les chefs de l'autre groupe pour contre un autre groupe. Les mêmes choses, les pays voisins, le Pakistan, l'Iran. Par exemple, l'Iran, qui était supposé d'être l'ennemi numéro un des talibans, aujourd'hui se tient main par la main. Le Pakistan, qui était supposé être l'ennemi de l'Alliance du Nord, ils sont mis ensemble. Le Pakistan, qui était ennemi de la Russie, aujourd'hui, ils ont des ententes militaires, économiques. Le Canada et les États-Unis, qui étaient les ennemis des progressistes et les amis des djihadistes, aujourd'hui, ils sont devenus les ennemis des dites progressistes et les ennemis des djihadistes. Alors, tous ces enjeux ont fait que l'Afghanistan a subi beaucoup. Et à travers le livre, on comprend vraiment tous ces enjeux, sans parler théoriquement, juste par la description de la vie quotidienne. Et comment on instrumentalise aussi les camps des réfugiés. L'aide humanitaire, ça veut dire présentement, on a détruit un pays qu'on appelle Syrie, avec ce qu'on appelait les amis de Syrie. Il faudrait conclure. Oui. C'est le temps qui file, mais je te réinviterai. Voilà. Alors, à ce moment-là, c'est ça le livre pour ceux et celles qui lisent. Et dans tous les milieux, dans toutes les origines des gens, ils le trouvent très intéressant, très touchant. Surtout, justement, comment on présente des choses sans filtre, mais de manière très descriptive, avec vraiment la vie quotidienne, comment ça se passe jusqu'à la camp des réfugiés, ainsi de suite. Merci beaucoup, Adi Kadri. Ça fait plaisir. Merci. Donc, le livre s'appelle « Dans ma tête, vos champs de ruines ». Il est encore disponible dans les librairies, j'imagine? Tout à fait. Il est supposé être dans toutes les librairies, mais sinon, très facilement, on peut trouver en ligne ou en m'écrivant @adikadiri par Facebook, où on trouve très facilement, ou par courriel kadiri@gmail.com. Il y a plusieurs façons de les trouver. Et l'autre livre dont on parlait, c'est « 11 essais contre le racisme » que vous pouvez aussi trouver dans plein de librairies.